Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Vous connaissez ces expressions ? Un appétit gargantuesque, un repas pantagruélique arrosé par la dive bouteille. Des guerres picrocolines où inhabite Thelem, mais aussi les moutons de Panurge, l'abstracteur de quintessence ou la substantifique moelle. Tous ces adjectifs ou expressions, nous les devons à un seul homme, auteur de Pantagruel et de Gargantua, François Rabelais. Oh, monsieur Rabelais, soyez bienvenu. Notre ami Delay et la renommée ont déjà trompété vos mérites à mes oreilles. Cher maître, vos impressions sont tant élégantes et correctes que ce serait pour moi gloire et honneur d'avoir mes écrits par vous imprimés. J'ai, par curiosité, préparé les textes des épîtres médicinales de Manardi et traduit les aphorismes d'Hippocrate sur un très bon manuscrit, sans ménager les notes. Gargantuesque, l'appétit intellectuel de Rabelais. Il est curieux de tout. Aux études habituelles de l'université à la fin du Moyen-Âge, il a ajouté la théologie, le grec, en plus de l'habituel latin, et la médecine. Il s'est intéressé à tous les parlers, archaïques ou populaires, comme à la langue la plus recherchée. Les jargons spécialisés comme les Saintes Écritures, cet humaniste veut tout connaître. Pantagruélique, son œuvre et sa vie. Un premier livre, Pantagruel. L'histoire du géant fils de Gargantua, puis Gargantua, l'histoire du père, puis un troisième, un quatrième et même un cinquième livre après sa mort. Plus des œuvres érudites en français ou en latin, tout cela en étant successivement moine, prêtre, médecin, voyageur. Picrocolline, c'est-à-dire sans autre raison que la bêtise et la médiocrité. Ce sont les combats menés contre lui par la Sorbonne. La Sorbonne qui fait confisquer ses livres grecs en 1523. En 1543, elle censure Pantagruel et Gargantua, dans lesquels, il est vrai, Rabelais, sous le pseudonyme d'Alcofibras Nazier, la critique d'abondance. Accusé du péché d'apostasie pour avoir abandonné l'habit monastique, Rabelais profitera de voyages à Rome dans la suite de l'envoyé de François Ier pour obtenir son pardon directement du pape qui l'autorisera aussi à exercer la médecine. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. La substantifique moelle, c'est l'invitation à chercher le sens profond au-delà de l'anecdote. Précaution nécessaire en cette époque d'expansion de la réforme. Son Pantagruel paraît alors que l'attitude des autorités françaises évolue vers moins de tolérance. Après l'édition de son tiers-livre, mal reçu par les autorités, il s'exile à Metz en 1546, l'année durant laquelle l'imprimeur et érudit Étienne Delay est torturé, étranglé et brûlé avec ses livres Place Maubert à Paris. Abstracteur de quintessence, dans la ligne d'Érasme et des évangélistes, il refuse le savoir livresque de l'éducation moyenâgeuse qui finit par rendre Gargantua fou, niais, tout rêveux et rasseté, à force d'apprendre par cœur des grimoires inutiles. Il faudra un vrai lavage de cerveau pour qu'il puisse reprendre des études fondées sur l'observation du réel, la discussion libre et le raisonnement personnel, devenant ainsi un prince modèle. Voyez-vous ce jeune enfant ? Il a encore 12 ans. Voyons si bon vous semble quelle différence il y a entre le savoir de vos rêveurs mathéologiens du temps jadis et les jeunes gens de maintenant. L'abbaye de Thelem, enfin. Cette abbaye de rêve est offerte par Gargantua à un moine, frère Jean des Entomeurs. Dans cette abbaye utopique, on accepte jeunes gens et jeunes filles, beaux et bien nés. Ils y pratiquent l'art de la conversation honnête, l'étude des langues, la danse. La devise optimiste en est « Fais ce que voudras », fondée sur l'idée que les qualités de chacun conduiront à éviter les conflits. Quel rêve ! Contrairement aux autres monastères, on ne prononce pas de vœux perpétuels et au moment du mariage, chacun part exercer ses talents dans la vie active. « Fais ce que voudras ». Belle utopie ! De Céline à San Antonio, Rabelais continue d'influencer écrivains, illustrateurs, peintres. Et récemment, Gérard Garoust, grand peintre visionnaire, a créé une série d'œuvres inspirées par la dive bouteille, dont l'oracle est au cœur du quatrième livre de Rabelais.